Chapitre 26. Questions que l'on peut adresser aux esprits. Observation préliminaire. Questions sympathiques ou antipathiques aux esprits. Questions sur l'avenir. Sur les existences passées et futures. Sur les intérêts moraux et matériels. Sur le sort des esprits. Sur la santé. Sur les inventions et découvertes, sur les trésors cachés, sur les autres mondes. Observation préliminaire. 286. On ne saurait attacher trop d'importance à la manière de poser des questions, et plus encore à la nature des questions. Deux choses sont à considérer dans celles qu'on adresse aux esprits. La forme et le fond. Sous le rapport de la forme, elles doivent être rédigées avec clarté et précision en évitant les questions complexes. Mais il est un autre point non moins important. C'est l'ordre qui doit présider à leur arrangement. Lorsqu'un sujet requiert une série de questions, il est essentiel qu'elles s'enchaînent avec méthode de manière à découler naturellement les unes des autres. Les esprits y répondent beaucoup plus facilement et plus clairement que lorsqu'elles sont posées au hasard, en passant sans transition d'un objet à un autre. C'est pour cette raison qu'il est toujours très utile de les préparer d'avance, sauf à intercaler séances tenantes, celles qui sont amenées par les circonstances. Outre la rédaction qui doit être meilleure étant faite à tête reposée, ce travail préparatoire est, comme nous l'avons déjà dit, une sorte d'évocation anticipée à laquelle l'esprit peut avoir assisté et s'être disposé à répondre. On remarquera que très souvent, l'esprit répond par anticipation à certaines demandes, ce qui prouve qu'il les connaissait d'avance. Le fond de la question requiert une attention encore plus sérieuse, car c'est souvent la nature de la demande qui provoque une réponse juste ou fausse. Il en est sur lesquels les esprits ne peuvent pas ou ne doivent pas répondre pour des motifs qui nous sont inconnus. Il est donc inutile d'insister. Mais ce que l'on doit éviter par-dessus tout, ce sont les questions faites dans le but de mettre leur perspicacité à l'épreuve. Quand une chose existe, dit-on, ils doivent la savoir. Or, c'est précisément parce que la chose est connue de vous ou que vous avez les moyens de la vérifier vous-même qu'ils ne se donnent pas la peine de répondre. Cette suspicion les froisse et l'on n'obtient rien de satisfaisant. N'en avons-nous pas tous les jours des exemples parmi nous? Des hommes supérieurs et qui ont conscience de leur valeur s'amuseraient-ils à répondre à toutes les sottes questions qui tendraient à les soumettre à un examen comme des écoliers? Le désir de faire un adepte de telle ou telle personne n'est point pour les esprits un motif de satisfaire une vaine curiosité. Ils savent que la conviction arrivera tôt ou tard, et les moyens qu'ils emploient pour l'amener ne sont pas toujours ceux que nous pensons. Supposez un homme grave, occupé de choses utiles et sérieuses, incessamment harcelé par les puériles demandes d'un enfant, et vous aurez une idée de ce que doivent penser les esprits supérieurs de toutes les niaiseries qu'on leur débite. Il ne s'ensuit point qu'on ne puisse obtenir de la part des esprits d'utiles renseignements, et surtout de très bons conseils, mais ils répondent plus ou moins bien, selon les connaissances qu'ils possèdent eux-mêmes, l'intérêt que nous méritons de leur part et l'affection qu'ils nous portent, et enfin, selon le but qu'on se propose et l'utilité qu'il voit à la chose. Mais si toute notre pensée se borne à les croire plus aptes que d'autres à nous renseigner utilement sur les choses de ce monde, ils ne peuvent avoir pour nous une profonde sympathie. Dès lors, ils ne font que des apparitions très courtes, et souvent, suivant le degré de leur imperfection, témoignent leur mauvaise humeur d'avoir été dérangés inutilement. 287. Certaines personnes pensent qu'il est préférable de s'abstenir de poser des questions et qu'il convient d'attendre l'enseignement des esprits sans le provoquer. C'est là une erreur. Les esprits donnent sans contredit des instructions spontanées d'une très haute portée et que l'on aurait tort de négliger. Mais il est des explications que l'on attendrait souvent fort longtemps si on ne les sollicitait pas. Sans les questions que nous avons proposées, le livre des esprits et le livre des médiums, serait encore à faire ou tout au moins serait bien moins complet, et une foule de problèmes d'une grande importance serait encore à résoudre. Les questions, loin d'avoir le moindre inconvénient, sont d'une très grande utilité au point de vue de l'instruction, quand on sait les renfermer dans les limites voulues. Elles ont un autre avantage, c'est d'aider à démasquer les esprits trompeurs qui, étant plus vains que savants, subissent rarement à leur avantage l'épreuve de questions d'une logique serrée par lesquelles on les pousse dans leur dernier retranchement. Comme les esprits véritablement supérieurs n'ont rien à redouter d'un pareil contrôle, ils sont les premiers à provoquer des explications sur les points obscurs. Les autres, au contraire, craignant d'avoir affaire à plus forte partie, ont grand soin de les éviter. Aussi recommandent-ils en général aux médiums qu'ils veulent dominer et auxquels ils veulent faire accepter leur utopie de s'abstenir de toute controverse à l'endroit de leur enseignement. Si l'on a bien compris ce que nous avons dit jusqu'à présent dans cet ouvrage, on peut déjà se faire une idée du cercle dans lequel il convient de renfermer les questions que l'on peut adresser aux esprits. Toutefois, pour plus de certitude, nous donnons ci-après les réponses qui ont été faites sur les principaux sujets sur lesquels les personnes peu expérimentées sont également disposées à les interroger. 288. Questions sympathiques ou antipathiques aux esprits. Question 1. Les esprits répondent-ils volontiers aux questions qui leur sont adressées? Réponse. C'est suivant les questions. Les esprits sérieux répondent toujours avec plaisir à celles qui ont pour but le bien et les moyens de vous faire avancer. Ils n'écoutent pas les questions futiles. Question 2. Suffit-il qu'une question soit sérieuse pour obtenir une réponse sérieuse? Réponse. Non. Cela dépend de l'esprit qui répond. Mais une question sérieuse n'éloigne-t-elle pas les esprits légers? Ce n'est pas la question qui éloigne les esprits légers, c'est le caractère de celui qui l'a fait. Question 3. Quelles sont les questions particulièrement antipathiques aux bons esprits? Réponse. Toutes celles qui sont inutiles ou qui sont faites dans un but de curiosité et d'épreuve. Alors, ils n'y répondent pas et s'éloignent. Il y a-t-il des questions qui soient antipathiques aux esprits imparfaits? Il n'y a que celles qui peuvent faire découvrir leur ignorance ou leur supercherie quand ils cherchent à tromper. Autrement, ils répondent à tout sans se soucier de la vérité. Question 4. Que penser des personnes qui ne voient dans les communications spirites qu'une distraction et un passe-temps ou un moyen d'obtenir des révélations sur ce qui les intéresse? Réponse. Ces personnes plaisent beaucoup aux esprits inférieurs qui, comme elles, veulent s'amuser et sont contents quand ils les ont mystifiées. Question 5. Lorsque les esprits ne répondent pas à certaines questions, est-ce par un effet de leur volonté ou bien parce qu'une puissance supérieure s'oppose à certaines révélations? Réponse. L'un et l'autre. Il est des choses qui ne peuvent être révélées et d'autres que l'esprit lui-même ne connaît pas. En insistant fortement, l'esprit finirait-il par répondre? Non, l'esprit qui ne veut pas répondre a toujours la facilité de s'en aller. C'est pourquoi il est nécessaire d'attendre quand on vous dit de le faire, et surtout ne pas vous opiniâtrer à vouloir nous faire répondre. Insister pour avoir une réponse qu'on ne veut pas vous donner, c'est un moyen certain d'être trompé. Tous les esprits sont-ils aptes à comprendre les questions qu'on leur pose? Réponse. Bien loin de là. Les esprits inférieurs sont incapables de comprendre certaines questions, ce qui ne les empêche pas de répondre bien ou mal, comme cela a lieu parmi vous. Remarque. Dans certains cas, et lorsque la chose est utile, il arrive fréquemment qu'un esprit plus éclairé vienne en aide à l'esprit ignorant et lui souffle ce qu'il doit dire. On le reconnaît aisément au contraste de certaines réponses, et en outre, parce que l'esprit en convient souvent lui-même, ceci n'a lieu que pour les esprits de bonne foi ignorants, mais jamais pour ceux qui font parade d'un faux savoir. 289. Questions sur l'avenir. Question 7. Les esprits peuvent-ils nous faire connaître l'avenir? Réponse. Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerait le présent. Et c'est encore là un point sur lequel vous insistez toujours pour avoir une réponse précise. C'est un grand tort, car la manifestation des esprits n'est pas un moyen de divination. Si vous voulez absolument une réponse, elle vous sera donnée par un esprit follet. Nous vous le disons à chaque instant. Entre parenthèses, voir le livre des esprits, Connaissance de l'avenir au numéro 868. Question 8. N'y a-t-il pas cependant quelquefois des événements futurs qui sont annoncés spontanément et avec vérité par les esprits? Réponse. Il peut arriver que l'esprit prévoit les choses qu'il juge utile de faire connaître ou qu'il a mission de vous faire connaître, mais il y a encore plus à se défier des esprits trompeurs qui s'amusent à faire des prédictions. Ce n'est que l'ensemble des circonstances qui peut faire apprécier le degré de confiance qu'elle mérite. Question 9. Quel est le genre de prédiction dont on doit le plus se défier? Réponse. Toutes celles qui n'ont pas un but d'utilité générale. Les prédictions personnelles peuvent presque toujours être considérées comme apocryphes. Question 10. Quel est le but des esprits qui annoncent spontanément des événements qui n'ont pas lieu? Réponse. Le plus souvent, c'est pour s'amuser de la crédulité, de la frayeur ou de la joie qu'ils causent, puis ils rient du désappointement. Ces prédictions mensongères ont cependant quelquefois un but plus sérieux, c'est de mettre à l'épreuve celui à qui elles sont faites, afin de voir la manière dont il prend la chose et la nature des sentiments, bons ou mauvais, qu'elle fait naître en lui. Remarque. Telle serait, par exemple, l'annonce de ce qui peut flatter la cupidité ou l'ambition, comme la mort d'une personne, la perspective d'un héritage, etc. Question 11. Pourquoi les esprits sérieux, lorsqu'ils font pressentir un événement, n'en fixent-ils point ordinairement la date? Est-ce impuissance ou volonté de leur part? Réponse. L'un et l'autre. Ils peuvent, dans certains cas, faire pressentir un événement. C'est alors un avertissement qu'ils vous donnent. Quant à en préciser l'époque, souvent ils ne doivent pas, souvent aussi ils ne le peuvent pas, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. L'esprit peut prévoir qu'une chose aura lieu, mais le moment précis peut dépendre d'événements qui ne sont pas encore accomplis et que Dieu seul connaît. Les esprits légers, qui ne se font aucun scrupule de vous tromper, vous indiquent les jours et les heures sans s'inquiéter de la réussite. C'est pourquoi toute prédiction circonstanciée doit vous être suspecte. Encore une fois, notre mission est de vous faire progresser. Nous vous aidons autant que nous pouvons. Celui qui demande aux esprits supérieurs la sagesse ne sera jamais trompé. Mais ne croyez pas que nous perdions notre temps à écouter toutes vos niaiseries et à vous dire la bonne aventure. Nous laissons cela aux esprits légers qui s'en amusent comme des enfants espiègles. La Providence a posé des bornes aux révélations qui peuvent être faites à l'homme. Les esprits sérieux gardent le silence sur tout ce qui leur est interdit de faire connaître. En insistant pour avoir une réponse, on s'expose aux fourberies des esprits inférieurs, toujours prêts à saisir les occasions de tendre des pièges à votre crédulité. Remarque. Les esprits voient ou pressentent par induction les événements futurs. Ils les voient s'accomplir dans un temps qu'ils ne mesurent pas comme nous. Pour en préciser l'époque, il leur faudrait s'identifier avec notre manière de supputer la durée, ce qu'ils ne jugent pas toujours nécessaire, de là souvent une cause d'erreur apparente. Question 12. N'y a-t-il pas des hommes doués d'une faculté spéciale qui leur fait entrevoir l'avenir? Réponse. Oui, ceux dont l'âme se dégage de la matière, alors c'est l'esprit qui voit. Et lorsque cela est utile, Dieu leur permet de révéler certaines choses pour le bien. Mais il y a encore plus d'imposteurs et de charlatans. Cette faculté sera plus commune dans l'avenir. Question 13. Que penser des esprits qui se plaisent à prédire à quelqu'un sa mort à jour et ou heure fixe? Réponse. Ce sont des esprits mauvais plaisants et très mauvais plaisants, qui n'ont d'autre but que de jouir de la peur qu'ils causent. Il n'y a jamais à s'en préoccuper. Question 14. Comment se fait-il que certaines personnes soient averties par pressentiment de l'époque de leur mort? Réponse. C'est le plus souvent leur propre esprit qui le sait dans ces moments de liberté et qui en conserve une intuition au réveil. C'est pourquoi ces personnes, y étant préparées, ne s'en effrayent ni ne s'en émeuvent pas. Elles ne voient dans cette séparation du corps et de l'âme qu'un changement de situation, ou si vous aimez mieux, et pour être plus vulgaire, l'abandon d'un habit de drap grossier pour un habit de soie. La crainte de la mort diminuera à mesure que s'étendront les croyances spirituelles.